Un ange sur la terre, chapitre 27. Abiyamar. Lettre de Lagrimas à Rennes. Biyamar, 15 septembre 1848. Mon père m'a amené ici, chère reine, pour y rétablir ma santé qui allait de mal en pis à Cadix. Je me trouve un peu mieux depuis mon arrivée et j'essaierai d'écrire quelques lignes chaque jour quand je serai en état de le faire pour te prouver que chaque jour je pense à toi. Tu me dis dans ta dernière que tu voudrais me faire rire, sans avoir la même intention, car je ne puis être gai loin de vous. Je vais te rappeler un souvenir plaisant, en te disant que Tiburcio Civico, ce même Tiburcio dont vous vous êtes tant diverti, habite Villamar et est mon cousin. C'est chez son père, alcalde du village et maréchal vétérinaire, que je suis descendu. Mon oncle, comme tu peux bien le penser, d'après le métier qu'il exerce, n'est pas un homme fort distingué. Et ma tante, grosse galicienne, de bonne mine, est encore plus commune que lui. Mais tous les deux sont d'excellentes gens qui m'ont si bien accueilli, si bien soigné, si bien dorloté, que, depuis mon départ de Séville, je ne me suis jamais mieux trouvé. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour m'égayer et me distraire. Mais comment pourrait-on s'égayer et se distraire quand on est loin de ce qu'on aime? Tu me répondras sans doute, cher ami, ce que tu me dis dans ta dernière lettre, que l'oubli est un baume, le souvenir un ver rongeur. La santé aussi est un baume, la maladie un ver rongeur. Mais il n'est pas plus en notre pouvoir de recouvrer la santé que de bannir le souvenir. Interroge-le, lui, et tu verras s'il ne dit pas comme moi. Si tu parles ainsi, ma reine, c'est que tu ne sais pas encore ce que c'est que d'aimer. 17 septembre. Hier, j'ai fait une longue promenade à Anne. Tout le monde s'était mis après moi pour me faire ressortir. On m'a conduite sur une hauteur où, dans une petite chapelle, se trouve un fort beau Christ chargé de sa croix. Avec quelle ferveur, ô ma reine, j'ai prié, prosterné à ses pieds, pour ma mère, pour toi et pour lui. Votre pensée m'avait absorbée à ce point qu'en me relevant, je m'aperçus que je n'avais pas prié pour moi-même. Je le regrettai, car j'aurais voulu demander à ce Dieu qui fait des miracles de me donner, selon sa volonté, ou la vie ou la mort. Dans l'état où je suis, je ne vis ni ne meurs, car ce n'est pas vivre que de souffrir comme je le fais, physiquement par les maux que j'endure, moralement par les chagrins de l'absence. Quoi qu'on en dise, la mort est bien effrayante, ma reine. Et quand on pense qu'on sera déposé dans la terre et qu'on restera là abandonné de tout le monde, on ne peut s'empêcher de frémir. Et cependant, le cimetière de Villamar est riant et paisible. On dirait que des justes seuls reposent dans son enceinte. La terre couvre les morts comme d'un tapis de fleurs. Cette idée que la nature fait pousser les fleurs sur les tombeaux, mais tout à fait sympathique. C'est à elle seule que ce soin appartient de répandre la consolation dans les cœurs. Mon cousin Tiburcio me fait vraiment pitié. Il ne peut se consoler d'avoir quitté Madrid et Séville et d'être forcé de résider à Villamar, qu'il appelle un détestable trou. Mais ses parents ne sont pas de cet avis et ont regardé comme une bonne fortune la proposition que leur a faite mon père de confier à leur fils la gérance d'une fabrique qui va être établie dans un couvent voisin de ce village. Tiburcio est exaspéré. Il prétend que ce poste n'est pas à la hauteur de son mérite et qu'il se déshonorerait en l'acceptant, comme si le travail pouvait jamais déshonorer personne. L'orgueil et la vanité ont tourné la tête de mon pauvre cousin, qui, du reste, me paraît un assez bon garçon. 19 septembre. Il y a ici un médecin qui me soigne très bien, et un vieil officier qui m'accompagne dans toutes mes promenades. Nous avons dirigé hier nos pas vers un fort dont il était commandant, mais qui s'est écroulé. Les ruines me plaisent quand on ne les profane pas et qu'on leur laisse la liberté de se reposer à leur gré et de cacher sous le lierre leur dernière épitaphe. Nous avons assisté à un magnifique coucher de soleil dans la mer. Ce spectacle m'a toujours attristé, car il me représente un grand naufrage. Et quand je vois les derniers rayons disparaître dans les flots, je crois entendre un long et douloureux cri de détresse. 20 septembre. Biyamar est un charmant village et n'a cependant pas la prétention de l'être. Des maisons semées çà et là, sans symétrie aucune, se groupent tout autour de l'église. On dirait un troupeau de fidèles agenouillés autour d'une croix. Tout auprès se trouve le magnifique couvent que mon père a acheté. Ne te semble-t-il pas étrange qu'on puisse acheter un couvent comme on achète une vare de drap? Je n'ai pas voulu aller le visiter. Je craindrais, en y entrant, d'éprouver un sentiment trop pénible. Un silence profond règne sous ces voûtes que faisaient résonner autrefois les hymnes et les prières au Seigneur. Quel chagrin de voir vide, froid, abandonné, cet autel où brillait la majesté divine. Je préfère aller au couvent de Santa Anna. Là, les chants des religieuses, le parfum des fleurs et de l'encens, la douce voix de l'orgue, tout console le cœur. Tout porte à une fervente piété. Eh bien, croirais-tu que Tiburcio me raille à ce sujet, en prétendant que si l'on va à l'église, ce ne peut être que par curiosité ou par fanatisme? Et comme je lui exprimais mon étonnement d'une semblable hérésie, il m'a dit qu'il me montrerait cela imprimé dans des livres. Je crains vraiment que ce garçon qui passe sa vie à ne rien faire ne finisse par devenir fou. 23 septembre. Nous sommes allés, il y a quelques jours, sur la plage. La marée était haute, et les flots venaient se briser avec fracas contre les rochers qui me faisaient l'effet d'un bataillon de soldats que la terre oppose aux attaques de la mer. Dans leur sombre mutisme, ces rochers sans cesse exposés à la fureur des flots me font vraiment pitié. Quelquefois, les vagues s'élèvent frémissantes comme pour les défier. D'autres fois, elles se couchent paresseusement à leurs pieds qu'elles semblent vouloir baiser. Les petites filles de ma tante me rapportèrent des coquillages de toutes sortes, et entre autres de petites étoiles de mer. En as-tu vu quelquefois? Elles sont charmantes. Mon oncle dit que c'est une plante. Don Juan de Dios prétend que c'est un polype, mais dans leur pieux langage, les enfants disent que ce sont des étoiles tombées du ciel qui s'attachent au fond de la mer et ils chantent. La petite étoile de mer, semée sur le sable, est tombée du ciel et est morte de chagrin. Et pour mon compte, je suis de la vie des enfants. 26 septembre. Je trouvai un ossement que la mer avait rejeté comme une épave. Je me figurai que ce pouvait être un des os de ma pauvre mère, et cette idée me fit tant de mal qu'on fut obligé de me remporter à la maison et que, depuis ce moment, j'ai été plus malade qu'à l'ordinaire. J'ai demandé qu'on mît en terre sainte cette chère relique, et on l'a enterrée sur la plage. La plage est une terre sainte, puisqu'elle reçoit les cadavres des pauvres naufragés qui viennent y échouer en implorant une sépulture. Depuis cette dernière sortie, je vais de mal en pis, ma reine, et je garde la chambre. Ma bonne tante me tient compagnie, autant que le lui permettent ses occupations. Elle me raconte les chagrins que lui cause son fils Tiburcio, et le moindre n'a pas été celui de le voir abandonner une charmante et excellente jeune fille qu'il devait épouser. Ils étaient destinés l'un à l'autre depuis leur enfance, et il l'a quittée. Comprends-tu cela, reine? Comprends-tu que le cœur puisse se dépouiller d'une affection comme un arbre se dépouille d'un fruit trop mûr? Je croyais, moi, que l'affection était un arbre qui jetait chaque jour dans le cœur de plus profondes racines. La pauvre jeune fille est entrée novice dans un couvent. Et si tu entendais avec quel mépris Tiburcio traite les religieuses et les couvents? Je commence à croire que ce garçon n'a pas seulement une mauvaise tête et de mauvais principes, mais qu'il a mauvais cœur. Comme je suis incapable de m'occuper de rien, je passe mon temps à la fenêtre à regarder passer les gracieux nuages qui flottent silencieusement sur nos têtes et que les hommes ne regardent seulement pas tant ils sont occupés de ce qui se passe sur la terre. Ces nuages me font l'effet d'anges qui étendent leurs ailes d'argent sur le ciel azuré. Quand je les vois arriver en courant, s'arrêter sur ma tête, puis se remettre en marche, je me figure les entendre me dire ces paroles que tu me répétais si souvent quand j'étais enfant. « Viens donc, pourquoi ne viens-tu pas ?» Tout rappelle les personnes aimées, reine. Dans l'absence, le cœur est une montre à répétition qui ne s'arrête jamais. Quand les nuages s'envolent en fumée du côté de Séville, je voudrais pouvoir les couvrir de fleurs qu'ils répandraient sur toi, et chacune d'elles te porterait, de ma part, un baiser sur le front. Mais à ces nuages blancs et gracieux succèdent les noirs nuages, précurseurs des tempêtes. Ils passent comme une bande de noires corneilles qui vont bien loin, chercher un autre ciel et semblent tristes parce qu'ils s'éloignent. L'absence, ô ma reine, l'absence, qui paraît un mal si léger, cause un chagrin si grand, si profond, que je crois vraiment que le mot « adieu » est le plus triste de tous les mots. 27 septembre. Les tempêtes sont arrivées, ô ma reine. Déjà le vent a fait entendre sa puissante voix, cette voix qui gémit et qui menace. Et déjà je me tourmente et je m'agite dans ma fièvre brûlante. Que demande le vent, reine? Que lui a fait la terre pour qu'il la châtie de la sorte? Que veut-il dire dans son effrayant langage, car il dit quelque chose? Peut-être est-ce l'âme de quelque autre globe terrestre qui est mort et qui demande au nôtre des prières? Pourquoi souffle-t-il de préférence pendant la nuit? Quand je l'entends, reine, mes souffrances redoublent. Mon âme est alors comme la barque que la tempête agite sur les flots de la mer. Et ne va pas croire que je pense au bonheur de me trouver à l'abri. Non, non, je pense aux malheureux navigateurs qui se trouvent en danger. Je voudrais, reine, que dans les mauvais temps, tout le monde se réunit pour prier. Et Dieu s'attendrirait sans doute et il dirait « Ce sont tous mes enfants ». Ils sont tous frères, puisqu'ils prient les uns pour les autres. Oh mon Dieu, envoyez la rosée aux plantes et la charité au cœur. Donnez-nous notre pain quotidien et pardonnez-nous comme nous pardonnons. 28 septembre. En relisant ce que je t'ai écrit hier, sous l'impression de la tempête, j'avoue que tu as le droit de me gronder. » Et la joyeuse Flora, celui de se moquer de moi. Il me semble l'entendre, comme autrefois, s'écrier, qu'il appartient aux harpes éoliennes, et non aux jolies filles, de vibrer tristement sous le souffle du vent. Que ce n'est que dans les litanies que le nom de mystique s'applique à la rose. Que dans ce siècle, enfin, et dans ce monde, on ne doit ni s'habiller en nonne, ni ceindre son front de la couronne d'épines. Dis-lui, à cette riante et joyeuse Flora, que j'ai dans le cœur une épine qui s'y enfonce chaque jour plus profondément et finira par le percer. Et cette épine, c'est le chagrin de vivre séparé de vous tous. 30 septembre. Il a beaucoup plu ces jours derniers, et cette bienfaisante pluie est due aux prières qui ont été adressées au ciel. Que Dieu est bon, reine, mais aussi quelle ferveur, quelle reconnaissance dans les cœurs des pieux habitants de Villamar. Le cœur seul de Tiburcio reste aussi sec que l'était la terre avant cette bienheureuse pluie. N'est-il pas étonnant, reine, de voir qu'à une époque où les miracles deviennent d'autant plus rares que la foi diminue davantage, la bonté de Dieu ne se lasse pas d'exaucer les prières qui lui sont adressées pour implorer de l'eau? Sais-tu pourquoi, reine? C'est que nous demandons à Dieu de nous envoyer ce que lui-même nous a enseigné à demander, notre pain quotidien. Le temps est devenu meilleur, les nuages se sont élevés et poursuivent paisiblement leur route sans arroser la terre. Heureux qui peut les imiter. Mais aujourd'hui, reine, je suis sous le coup d'une horrible oppression. J'avais remarqué que les petites filles de ma tante, qui, lors de mon arrivée ici, ne quittaient presque jamais mes côtés, ne venaient plus maintenant dans ma chambre. Et j'attribuais cette désertion à l'inconstance naturelle à leur âge. Mais hier, qui était vendredi, la plus petite m'apporta une branche de romarin qui fleurit tous les vendredis. Note du traducteur. C'est encore, avec son cachet primitif, une de ces croyances si religieuses, si naïves et si parfumées du peuple espagnol. On aurait beau être poète, on ne saurait inventer des choses si simples. Fin de la note. Je te l'apporte parce que je sais que tu l'aimes, me dit-elle, et en cachette de ma mère, car elle nous a défendu de nous approcher de toi. Et elle s'enfuit. Ma maladie serait-elle par hasard contagieuse, reine? Serait-il dangereux de s'approcher de moi? Serais-je un cadavre au milieu des vivants? Oh, reine, cette idée est terrible, et cependant la chose doit être vraie, puisqu'on me fuit comme une pestiférée. 30 septembre, au soir. J'ai pleuré longtemps, et j'ai pu pleurer sans que personne s'informât du motif de mes larmes, car mes parents ont à veiller à leurs affaires et ne peuvent rester auprès de moi. Ô reine, que la vie est triste, et cependant que l'idée de la mort est terrible. J'éprouve de cruelles douleurs dans la poitrine, dans la tête, et je ne puis que répéter avec ma pauvre mère. Je m'étends sur ta croix, les clous aux pieds et aux mains, et je m'incline pour que tu viennes à mon secours, ô doux Jésus, mon Rédempteur. Lettre de Flora à Lagrimas. Ma bien-aimée Lagrimas, reine est un peu indisposée et me prie de t'écrire en son nom. Je le fais d'autant plus volontiers qu'il y a fort longtemps que je voulais t'écrire au mien, car je t'aime, et c'est un plaisir que de causer avec les gens qu'on aime. Et puis, j'ai bien des choses à te dire. J'espère que mes confidences te seront de quelque utilité, et c'est ce qui m'a fait surmonter mon horreur à prendre la plume. Je donnerai pour une aiguille toutes les plumes du monde et toutes les épées, y compris celle de François Ier, pour un éventail. Si jamais je puis mettre la main sur une baguette magique qui me donne ce pouvoir, la paix éternelle sera assurée au monde. Venons au fait. Fabian est parti. Il est entré dans la vie active, comme dit Gennaro, dans la vie positive, comme dirait Martial. Cet enfant d'Apollon est passé au service de Thémis, comme il le dit lui-même, et il assure que cette transition est bien vulgaire en quittant le service de Flore. En un mot, il a échangé la couronne de laurier contre le bonnet de docteur et la lyre contre les balances de la justice, ce qui, entre nous, lui donne un certain air de garçon de boutique. Puisse-t-il, en pesant la justice, faire meilleur poids que ceci? Nous nous sommes séparés comme de bons camarades qui ont joué ensemble pendant les jours de congé et qui quittent la partie sans trop verser de larmes pour rentrer en classe. Je ne te fatiguerai donc pas d'une élégie. Non, non, l'élégie est un saule pleureur qui ne me déplaît pas au bord d'une rivière, mais qui ne convient pas du tout à ma plume, incapable de tracer un point d'exclamation, cet étendard de la sensiblerie. Je n'aime pas les larmes, bien que Fabian les appelle les perles du cœur, parce que dans mon cœur, je n'admets que des diamants et des émeraudes, et je ne fais une exception que pour toi seul, la grimace. Trois graves événements ont eu lieu à des distances fort rapprochées. Fabian est parti, ce rossignol de ma jeunesse. J'ai accompli mes 18 printemps, et il nous est arrivé un mien cousin, au troisième ou quatrième degré, qui trouve cette parenté trop éloignée et voudrait en resserrer les nœuds un peu plus étroitement. Ma mère favorise ce désir et elle m'a déclaré d'un ton affreusement prosaïque que, vu et attendu, que j'avais atteint le nombre respectable de la douzaine et demie d'années, il était temps de laisser là les chansons et de songer à quelque chose de plus sérieux. Mon pourvoyeur ordinaire de chansons, ayant renoncé à son commerce et ne pouvant plus me pourvoir que de jugements et de sentences, je n'ai pas jugé trop déplacée la sentence de ma mère. La sagesse, la grimace, se trouve dans la bouche des vieillards, comme dans les grappes mûres, on trouve les éléments du bon vin. Les grappes vertes ne produisent que du verjus, tout au plus bon à nous rafraîchir la bouche pendant les brûlantes soirées de l'été. Quand on n'est encore qu'une jeune fille sans expérience, il ne faut pas suivre l'amour, à l'imitation des jockeys, dans ces courses appelées en France, à ce que dit Fabian, course de haie, et qui consistent à atteindre le but, en ligne droite, en sautant les barrières, en traversant les rivières, en franchissant tous les obstacles. Cette manière de courir décompose le visage, ôte à la femme sa grâce naturelle, sa fraîcheur juvénile, et n'a d'autre résultat que de lui donner les allures d'une virago. Le cœur d'une jeune fille, s'il ne doit pas être esclave, doit cependant être soumis. Un mari se fie plus à un cœur docile qu'à un cœur émancipé. Car une femme qui a brisé un premier frein peut bien en briser un second. Ce qui plaisait à l'amant, le mari le blâme dans son for intérieur. Quand le passé n'est pas une garantie pour l'avenir, la femme perd une grande partie de son prestige et beaucoup de ses droits au respect et à la confiance de son mari. Si je parle ainsi, ma douce enfant, c'est que nos deux positions ont certaine analogie entre elles. Et qu'en te communiquant mes réflexions, je veux t'engager à suivre mon exemple. Non pas que je doute que tu ne te comportes en bonne et honnête fille, comme je l'ai fait, mais parce que je désire que tu prennes joyeusement et courageusement ton parti. Si l'on fait un sacrifice avec les airs d'une victime sacrifiée Il perd tout son mérite moral, comme un cadeau perd de sa valeur s'il est fait de mauvaise grâce. Aussi, le jour où j'ai consenti à devenir la femme de mon cousin, je me suis attachée à lui comme au devoir, comme à l'espérance, comme au bonheur, et tout me fait croire qu'il fera le mien. Les parents couronnent la pénible tâche de l'éducation des enfants en leur procurant un établissement digne d'eux et en assurant leur sort à venir. N'y aurait-il pas la plus noire ingratitude à leur enlever cette récompense de leurs soins et de leurs peines en disposant de nous-mêmes sans leur consentement? Crois-le bien d'ailleurs, Lagrimas, Dieu récompense toujours une bonne action. Il sème de fleurs le sentier le plus aride. Si tu voyais combien je jouis du bonheur de mes parents, bonheur qui ne provient pas tout entier de leur tendresse pour moi, car mon enfant, leur gendre futur, a tout ce qu'il faut pour flatter leur amour-propre. Non seulement c'est un cavalier accompli, mais c'est un des partis les plus brillants. Saint Antoine, que ma pauvre mère invoquait dans ses prières pour me procurer un bon mari, a décidément détrôné dans son cœur tous les autres saints du paradis. Sois heureuse et contente comme moi, ma chère enfant, c'est le plus ardent de mes désirs. Fabiane, en m'appliquant les paroles de certains auteurs français, disait « Que chacune de mes pensées était un sourire. Imite-moi, douce amie, et ne nous laisse pas dans la triste idée que chacune des tiennes est une larme comme ton nom. À toi de cœur, Flora. » Réponse à Flora. Très chère Flora, j'ai reçu ta lettre comme l'humble fleur du vallon reçoit la rosée que Dieu lui envoie. Que tu es bonne de m'aimer et d'avoir pensé à moi, toi qui es si bien entourée, toi qui as tant de gens à aimer. Heureuse, mille fois heureuse, Flora, des mains amies ont tracé ta route et en ont écarté les épines. Comme les nuages au printemps, dans les terres azurées, tes jours flottent agités par une douce brise. Mais il est d'autres nuages qui flottent à l'aventure, seuls et abandonnés, trop éloignés des étoiles pour invoquer leur secours, pas assez rapprochés de la terre pour solliciter ses conseils. Tu me conseilles de t'imiter et de n'avoir que de riantes pensées. Flora, dis donc à la mer de briller quand elle ne reflète pas le soleil. Tes jours, Flora, s'écoule sans souffrance, tes nuits sont paisibles. Mes jours, sans en excepter un seul, ne sont qu'une souffrance continuelle. Mes nuits, si je ne dors pas, sont remplies d'amertume. Si je dors, elles sont agitées par d'affreux cauchemars. Oh, Flora, tu ignores ce que c'est que le cauchemar. C'est une effrayante angoisse de l'esprit contre laquelle on a pu jusqu'à présent trouver de remède. Te souviens-tu de la définition qu'en a faite un poète anglais, Shakespeare, et que Fabiane nous traduisait? Je ne l'ai pas oublié, moi. J'eus un songe, et il n'est pas au pouvoir de l'homme de décrire ce songe. Jamais l'œil ne put voir, jamais l'oreille ne put entendre, jamais les mains ne purent toucher. Jamais les sens ne purent percevoir, jamais les paroles ne purent exprimer ce que c'était que ce songe. Le cauchemar, quand il ressemble à ceux qui m'oppressent, est un avant-coureur des souffrances réservées aux damnés. On a beau vouloir se raisonner, que peut la raison contre les battements du cœur, contre la sueur qui baigne le front, contre la frayeur que cause le cauchemar? Rien ne peut calmer cette horrible agitation, ni le silence de la nuit, ni la certitude qu'elle ne provient que d'une cause fantastique. Eh bien, ma Flora, si la raison ne peut rien contre ces fantômes que crée l'imagination, quel pouvoir aurait-elle sur les impressions de la réalité? chacun sent à sa manière et suivant l'instinct que Dieu a placé dans son cœur. Les eaux, les lumières et les cœurs voudraient en vain résister au courant qui les entraîne. Pour certains cœurs, ce courant est un sourire. Pour d'autres, c'est la tristesse. Aux uns, Dieu a dit « Réjouissez-vous ». Aux autres, « Souffrez ». Et à tous, « Venez à moi ». Sois heureuse, ô ma Flora, sois heureuse autant que mérite de l'être une femme que le Tout-Puissant a créée pour prouver aux mortels combien la vertu est facile, combien elle embellit, combien elle rend aimable ceux qui la pratiquent, ceux qui répandent le parfum de leurs fleurs sur tout ce qui les entoure. Mais à toi seulement, parmi les femmes, comme à l'oranger, parmi les arbres, il a été donné de porter à la fois et des fleurs pures et parfumées et des fruits savoureux et dorés. La grimace.